Et le thème dit, ne limite pas Dieu pour ton miracle. Alléluia. De la même façon, tu es en train de faire le pas. Tu es en train de quitter dans ton limite. De la même façon, tu fais le pas. Tu es en train d'entrer dans ta destinée. Ce soir, tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Ce soir, tu entres dans ta gloire au nom de Jésus. Ce soir, tu entres dans la gloire au nom de Jésus. Aïe, allons-y. Allez, salapa, salapa, salapa, salapa, salapa, salapa, salapa, salapa, salapa, salapa, salapa, bina, bina. Molele. Satan a suivi 3-0. Jésus-Christ a marqué les vies. Échec a suivi 3-0. Jésus-Christ a marqué les vies. Échec a suivi 3-0. Bethelaye mamololo. Bethelaye mamololo. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Amen. Chaka chaka Est-ce qu'un jeune peut célébrer le Seigneur par ses acclamations? Je disais, quelqu'un peut célébrer le roi des rois par ses acclamations. Je ne me suis pas bien fait comprendre. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons nous tenir debout, nous pouvons acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité, le véritable Dieu? Que la chorale nous emporte dans cette atmosphère de là où nous sommes. Dis un mot à Dieu qui peut te rapprocher de ton miracle. Nous avons dit ce carrefour est dénommé, ne limite pas Dieu pour ton miracle. Alors que nous sommes prêts d'achever ce grand carrefour, dis un mot au Seigneur. Père, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Dis un mot à Dieu pour que ton miracle à toi ne puisse pas passer à côté de ta vie. Pendant que la chorale nous transporte dans cette atmosphère de prière, Jésus-Christ, toi qui es levé au-dessus de tout, dis un mot à Dieu. Seigneur, tu es celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, afin que devant toi tous genoux fléchissent, toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, qui est comme toi? Père, qui peut faire ce que toi tu fais? Seigneur, laisse-moi élever ton saint nom ce soir. Laisse-moi élever celui qui mérite l'honneur, celui qui mérite la gloire, celui qui est élevé au-dessus de tout. Le 24 veillard se prosterne, les quatre êtres vivants, tous se prosternent en disant que tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de tout. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Lorsque je sortirai d'ici ce soir éternel, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Tu vas prier le Seigneur, car nous voici ensemble tous les rachetés auprès de toi ce soir. Nous voulons vivre ta présence. Lorsque nous allons quitter ce grand programme, que nos vies puissent changer. Que ta vie soit impactée par l'Esprit de Dieu désormais. Entre en prière. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire à Dieu, Père, lorsque je sortirai de ce programme, que je vois le fruit de la présence de Dieu dans ma vie. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut chercher la face de Dieu en ces instants. Quelqu'un peut prier et chercher la face de Dieu en ces instants. Lorsque nous allons quitter, Seigneur, ce lieu, que nous soyons revêtus pleinement de ton esprit, Yahweh Dieu, éternel Dieu des armées, nous voici, Père, tu nous as rappelé même tous, où nous étions, Père, que ce programme soit porté. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions continuer à prier. Nous voulons vraiment être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais que là où tu es, tu rencontres le Seigneur ce soir. J'aimerais que là où tu es, que cette journée soit une journée vraiment de fête. Soit une journée particulière où tu vas ressentir et bénéficier toutes choses de Dieu. On nous a dit, si vous avez soif, si vous avez la persévérance et que vous cherchez quelque chose, vous finirez par le trouver. Ce soir, je suis convaincu ensemble, si nous avons soif de Dieu, de la présence de Dieu en ce lieu, nous trouverons de grandes choses. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu commences à élever, tu commences à parler, tu parles à ton Dieu. Tu commences à élever ce roi des rois. Pendant quelques minutes, nous voulons adorer. Pendant que juste les instrumentistes nous donnent la mélodie Nehemiah Golikot. Pour dire que c'est seulement la grâce de Dieu. Si nous sommes en ce lieu, c'est par la grâce de Dieu. Si nous parlons, c'est par la grâce de Dieu. Si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Toutes choses. Personne ne peut payer quelque chose devant notre Dieu. Personne ne peut payer quelque chose. Parce que Jésus-Christ a tout payé pour nous. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix, tu commences à adorer ce grand Dieu. Alléluia. Un cœur reconnaissant, en train d'élever ce roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, au-dessus de toutes choses. Et quelle grâce! La grâce ce soir. Tu as permis en sorte que ce miracle se passe en ce lieu. Tu nous as donné un Père, quelle grâce. Tu nous as donné une Église, quelle grâce. Tu nous as donné les hommes de Dieu, quelle grâce. Tu nous as donné la vie, quelle grâce. Oh, tu nous as donné la santé, quelle grâce. Et chez Kéria, Basatalias, l'opé de Chica, n'y a pas de Dieu comme toi, au-dessus de toutes choses, dans les cieux célestes. Je sais une chose, il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus en ces lieux. Il n'y a pas de Dieu comme toi, qui peut se comparer à toi, ô Père de grâce. Le monde en ces lieux recherche devant toi. Si tous ces nous ont fléchi devant toi, qu'est-ce qui peut résister à toi? Voilà pourquoi ce soir, nous t'élévons ce soir, nous t'élévons ce soir, nous t'élévons ce soir, nous t'élévons ce soir. Aujourd'hui, l'église des sources fécondes élève le nom de Jésus. L'église des sources fécondes élève le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Alléluia. On chante à Soudi. Maya Goligo. On chante avec l'assemblée. Oh, tu m'aimes. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Je suis content dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Laisse-moi te dire, si tu as vraiment franchi ces lieux, il y a une grâce de Dieu sur toi. Si tu as franchi en ces lieux, même si tu étais lié, ces chaînes sont tombées. Laisse-moi te dire une chose, tu es entré en pleurs, tu sortiras avec la joie. Tu es entré en ces lieux avec des questions. Dieu te donnera la réponse ce soir. Tu es entré ici avec des inquiétudes. Laisse-moi te dire, le réparateur de cœurs brisés est dans ces lieux. Tu es entré avec plein de soucis. Je sais, le Dieu de notre Père désiré, en ces lieux, l'ange de cette église, en ces lieux, te fera du bien. Tu ne passeras pas ton temps pour rien. Laisse-moi te dire, on nous a dit qu'il y a des choses, même si tu ne les veux pas, mais cet ange te visitera ce soir. Alors acclame, acclame, acclame, acclame fortement. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous avons un programme tellement très merveilleux. Nous aurons deux hommes de Dieu qui vont vraiment intervenir. Alors, et le premier intervenant, c'est l'homme de Dieu que nous aimons tous bien, le berger Kevin Moge. Il va nous parler pendant 30 minutes. Vraiment, il va nous bénir en ce lieu. Et il va d'abord s'élever. Nous voulons d'abord l'accueillir dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'homme de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Et pendant qu'il s'avance, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aide-moi à être debout de là où tu es, s'il te plaît. Je voudrais qu'on fasse quelque chose comme on l'a fait hier, parce que pour moi c'est un signe que l'Esprit de Dieu me donne afin de commencer à ministrer du haut de la chair, parce que pour moi cet acte est une manière d'inviter le trône de Dieu, d'inviter le règne de Dieu et de permettre à l'Esprit de Dieu de se manifester, car la Bible déclare: louez l'Éternel, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par toutes sortes d'instruments, louez-le par vos bouches, louez-le également par vos mains. Et pendant 60 secondes, je voudrais encore que nous puissions royalement acclamer le Seigneur, afin que par ces acclamations, que le trône de Dieu soit en train de s'établir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer comme une personne qui croit qu'il sera visité par Dieu? Est-ce que tu peux acclamer comme une personne qui croit que ce soir c'est ma visitation? Est-ce que tu peux acclamer comme une personne qui croit que ce soir le ciel s'est mobilisé en sa faveur? Je voudrais dire à quelqu'un que ce culte n'est pas un culte de plus. Alléluia. Mais ce culte est un culte où Dieu te visitera. Alléluia. J'entends une sœur pousser des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te déplacer dans la salle. Salue cette personne pour moi, s'il te plaît. Amkia watu wa saba ndani ya chumba hii. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Alors que tu te rasseoir, je voudrais qu'on fasse ce chant avant de commencer. Nous l'avons fait hier. Et je voudrais que nous puissions le faire également avant que je ne commence. Alléluia. Alléluia. Ce chant dit simplement Yahweh Rapha Elohim Shaddai. Et pendant ce temps, je voudrais que tu chantes aussi ce chant avec moi, avec la chorale qui nous accompagne. Thank you. prier et dire à Dieu, Seigneur, parle-moi encore. Parle-moi encore, je veux t'écouter et t'entendre. Pendant 60 secondes là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, ce culte n'est pas un culte de plus, mais ce culte est un plus qui va transformer ma vie. Seigneur, je ne suis pas venu comme un spectateur, mais je suis venu comme un acteur. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là encore pour te rencontrer. Non pas pour voir l'homme de Dieu faire un spectacle, mais pour te voir me parler, Seigneur. Père, parle-nous encore ce midi. Parle-nous encore ce soir. Parle-nous encore ce soir, Seigneur. Parle-nous encore ce soir, Seigneur. Établis encore ton règne au milieu de nous, Éternel. Alléluia. Laisse que ton ciel s'ouvre. Que la voix prophétique se fasse entendre. Que les vies soient transformées et que les vies soient touchées. Alléluia. Et que la vie de ton peuple ne soit plus jamais éternelle même. Alléluia. Père, je prie pour un dépôt de gloire qui soit déversé en ce lieu. Alléluia. Je prie que le ciel de Dieu se mette en mouvement. Alléluia. Que les anges de Dieu soient mobilisés éternels afin de visiter ton peuple. Alléluia. Laisse que ton ciel s'ouvre. Père, je prie que le ciel de chacun d'entre nous en ce lieu soit en train de s'ouvrir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Précieux Saint-Esprit, glorifie encore. Glorifie encore Jésus. Alléluia. Glorifie encore Jésus. Alléluia. Glorifie encore Jésus. Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'ils prêchaient, tu confirmais leur prédication. Alléluia. Par des signes, des prodiges et des miracles. Yes. Père, nous prions pour les signes. Alléluia. Nous prions pour les prodiges. Alléluia. Nous prions pour les miracles en ce lieu. Alléluia. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Yes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Et alléluia. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Acclame une fois encore Amen. De plus le Seigneur. Grande est ma joie de me retrouver encore une fois de plus du haut de cette chair. Hier, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et je crois du plus profond de mon cœur. Nous irons encore ce soir de gloire en gloire. Aide-moi à dire à ton voisin, le Seigneur m'emmène dans une gloire plus grande. Dis-le très bien à ton voisin, le Seigneur m'emmène dans une gloire encore plus grande. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Donne-moi un plus grand amen que celui-là. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina, quoi, fiki, okumbele. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Buana, avant de commencer, je voudrais rendre grâce à Dieu. Kabla kwanza, napenda rudisha le Dieu de grâce et des esprits des prophètes kwa roya wanabi, qui nous permettent d'être en bonne santé afin de venir et de ministrer du haut de la chair. Ya kuturusu, tuke muafia nzuri, et deuxièmement, je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père, le pasteur désiré, pour la grâce qu'il nous accorde encore de se retrouver du haut de cette chair. Je bénis le Seigneur pour l'amour, pour les conseils et même pour sa couverture. S'il vous plaît, aidez-moi à joindre nos mains afin de célébrer la vie de notre Père. Est-ce que tu peux très bien le faire, s'il te plaît? Acclame le Seigneur pour la vie de notre Père. Et je bénis également le Seigneur pour la vie de tous les serviteurs de Dieu qui sont passés tout de cette chair et qui continuent à nous bénir tout au long de ce programme. Et si je cite le prophète Kevin Mack, le prophète Josias et même l'homme de Dieu Joy qui viendra après, que le Seigneur bénisse abondamment ses serviteurs. Et je crois que dans ce programme il y a un dépôt divin que Dieu a déposé dans l'esprit de ses serviteurs. Je bénis également le Seigneur pour la vie de sa servante Marlène, qui nous a béni énormément hier lorsqu'elle était en train de conduire le temps de prière. Je reconnais que je n'avais même plus envie de prêcher. Alléluia. Tellement qu'elle conduisait avec une telle gloire, na, et la présence de Dieu était palpable et tangible. Alléluia. Que le Seigneur bénisse abondamment sa servante. Buana, bariki, que le Seigneur te bénisse toi également. qui est là ce soir, je crois que le Seigneur te fera du bien. Dis bien Amen. Dis-le très bien Amen. Alors, ce soir, je parlerai pendant quelques minutes. Juste après, nous allons prier. Le Seigneur nous conduira d'une certaine manière. Et après, le prophète également va monter afin de nous bénir de manière extraordinaire. Je suis un peu comme le Jean-Baptiste. Préparer le chemin du prophète. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prends ta Bible avec moi. Je suis dans le livre de Marc. Le chapitre 16. Sura ya 16. Du 17e verset au 18e verset. Et nous lirons également Acte des apôtres, le chapitre 4, le verset 29 à 31. Il est écrit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Lisons notre deuxième texte dans le livre d'Actes des apôtres, le chapitre 4, le verset 29 verset 31. La Bible déclare, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Je prie dans le nom de Jésus que dans cette salle qu'ils se fassent des miracles, des guérisons et des prodiges dans le nom de Jésus. Donne-moi un plus grand amen et j'avance. Amen. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je crois du plus profond de mon cœur que dans ce programme il y a des personnes qui seront remplies du Saint-Esprit et qui parleront en d'autres langues pour la première fois. J'ouvre une parenthèse avant de commencer mon message. Hier j'ai dit que dans chaque dispensation que l'Esprit de Dieu déversait, il mettait une phase sur une dimension bien particulière. Et lorsque l'Esprit de Dieu a relâché la dispensation de l'Esprit dans Acte 2, la Bible déclare que les hommes se sont mis à parler en d'autres langues. Parce qu'il y a eu la manifestation du Saint-Esprit par la dimension du parler en langue qui a été relâchée. Et j'aime une chose, lorsqu'on parle des langues, vous devez comprendre que l'une des choses qui permet de différencier une nation d'avec une autre, avant de parler de la culture, avant de parler de l'habillement, c'est le langage. En d'autres termes, lorsque l'Esprit de Dieu était en train de se manifester à la chambre haute, il n'y avait pas qu'un miracle, il n'y avait pas qu'un revêtement de puissance, mais l'Esprit de Dieu était en train de mettre une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Parce que le langage est l'un des éléments qui permettent de faire une différence entre une nation d'avec une autre. Et le fin de ma prière, c'est que le Saint-Esprit amène des hommes et des femmes dans cette salle à prier en d'autres langues. Je prie dans le nom de Jésus que si tu parles déjà en langue, que le Seigneur t'emmène dans d'autres dimensions encore plus grandes. Parce que l'apôtre Paul dit, et il glorifie le Seigneur de savoir qu'il parlait en langue plus que tous les autres. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. La première des choses que vous devez comprendre ici, enfant de Dieu, c'est le sous-thème que je donne à mon message, c'est simplement le Dieu des miracles. Dis-le très bien, le Dieu des miracles. C'est ma vision de Dieu des miracles. Dis-le très bien, le Dieu de miracles. Dis-le à ton voisin, le Dieu de miracles. Lorsque vous lisez votre Bible, vous remarquerez avec moi que depuis la nuit des temps, l'Éternel a accompli des grands miracles. Lorsque vous lisez les Écritures, toutes les fois où l'Éternel s'est manifesté puissamment, il y a fait présence des miracles. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de l'Évangile sans la présence des miracles. L'Éternel a relâché des miracles à chaque dispensation de l'Église. Si chaque dispensation de l'Église mettait de l'emphase sur une dimension bien particulière, vous devez comprendre que dans chaque dispensation, il y a une dimension qui ne manquait jamais. Et cette dimension, c'était la dimension des miracles. Que Dieu élève dans cette génération des hommes et des femmes de miracles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que lorsqu'on parle des miracles, vous devez comprendre, enfant de Dieu, que le miracle n'est pas question d'office du prophète. Le miracle n'est pas question d'office de l'évangéliste. Le miracle n'est pas l'office d'abord du docteur. Mais le miracle est l'office de tout croyant. Parce que la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles occupent une telle place importante que l'Éternel a fait en sorte que le miracle ne soit pas d'abord question d'une office, mais que le miracle soit attaché à la vie de toute personne qui croit en Jésus. Parce que les miracles occupent une grande place. C'est ainsi que lorsque les apôtres prêchaient, la Bible déclare que l'Éternel confirmait leur prédication par des signes, des prodiges et des miracles. Parce qu'en d'autres termes, enfant de Dieu, il n'existe pas de prédication de l'évangile authentique sans pour autant qu'il se produise des miracles. La Bible déclare qu'il confirmait leur prédication. Ça veut dire que nous devons comprendre, enfant de Dieu, que la libération de la parole de l'évangile déclenche les miracles. Nous devons comprendre, en d'autres termes, enfant de Dieu, que les miracles ne viennent pas avant la prédication de l'évangile. Parce que la Bible déclare qu'ils confirmaient leur prédication par des signes, des prodiges et des miracles. En d'autres termes, celui qui veut expérimenter les miracles doit être capable de faire parler les Écritures. Celui qui veut vivre le miracle doit être capable d'annoncer l'évangile. Celui qui veut vivre le miraculeux doit être capable d'être en contact avec les Écritures. Que le Seigneur élève des hommes et des femmes qui seront capables de décortiquer les Écritures, qui seront capables de déchirer le rouleau. Je prie dans le nom de Jésus que cette grâce de Dieu soit en train de venir dans cette salle, et qu'elle soit en train d'affecter ta vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Et lorsqu'on parle des miracles, vous devez comprendre qu'il y a deux dimensions. La première dimension est celle de ceux qui ont reçu la capacité d'opérer des miracles. Parce qu'il existe des hommes à qui Dieu a donné la capacité d'opérer des miracles. C'est comme ça que lorsque vous lisez votre Bible, on parle des hommes comme Moïse qui ont déchiré la mer en deux. On parle des hommes comme Élisée qui ont fait descendre le feu du ciel. Parce qu'il existe des personnes à qui Dieu a fait la grâce d'opérer dans la manifestation des miracles. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, je te vois opérer dans la manifestation des miracles. C'est un amen qui n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train de dire à quelqu'un, je te vois opérer dans la manifestation des miracles. Parce que Dieu élève dans cette ville des jeunes qui vont opérer des miracles. Dieu élève dans cette jeunesse des hommes qui vont marcher dans le miracle. Cela ne sera pas question de consécration. Cela ne sera pas question de l'huile qu'on a déposée sur ta tête. Mais la conséquence de l'appel de Dieu, afin qu'il marche avec toi, il est en train de bouleverser ta jeunesse. La deuxième dimension, c'est la dimension de ceux expérimente le miracle. Il y a des personnes qui ne font pas forcément des miracles, mais qui dans leur quotidien vivent les miracles, expérimentent les miracles, voient la main de Dieu dans leur vie, voient l'action de Dieu dans leur finance, voient l'action de Dieu dans leur ministère, voient l'action de Dieu dans leur famille. Parce qu'il y a des personnes qui ne font pas des miracles, mais qui vivent simplement des miracles. Et lorsqu'on parle de la première office, de ceux qui opèrent les miracles, de ceux qui ont reçu la capacité d'opérer les miracles, il existe deux éléments qui permettent à ces personnes de fonctionner dans cette grâce. Il y a plusieurs éléments, mais ici j'en donne simplement deux sur lesquels l'Esprit de Dieu est en train de marteler dans mon esprit. Cet premier élément, c'est la dimension de la communion. Dis-le très bien, la communion. Dis-le très bien, la communion. La communion. Regarde ton voisin, dis-lui la communion. Regarde celui de gauche, dis-lui la communion. La Bible déclare qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la fraction du pain. Et au travers de cet acte-là, dans l'église primitive, il y avait la manifestation des puissants miracles qui s'opéraient. Vous devez comprendre, enfant de Dieu, il existe une manifestation d'opération des miracles dans la vie de ceux qui sont appelés dans ces choses seulement lorsqu'ils marchent dans l'unité. Parce que l'unité n'est pas seulement le fait de se mettre ensemble. L'unité est une puissance dans le monde spirituel. L'unité est une force dans le monde spirituel. Ceux qui se mettent ensemble ont la capacité d'accomplir des grandes choses. Ceux qui se réunissent ensemble ont la capacité d'accomplir des grandes choses. C'est comme ça que lorsque vous lisez votre Bible, à plusieurs reprises, lorsque les hommes se sont mis ensemble, ils ont fait des grandes choses. Lorsque les hommes se sont retirés ensemble pour chercher la face de Dieu, il y a eu des puissantes manifestations de la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il est écrit dans d'autres versions, du chapitre 2 de Actes des Apôtres. La Bible déclare qu'il priait comme un seul homme. Ça veut dire qu'il priait dans le même esprit. Quand il priait, il n'y avait pas de différence dans l'esprit des uns et des autres. Il priait sur la même fréquence. Et cela a fait en sorte que la puissance de Dieu soit en train de se manifester. Parce que lorsque les hommes sont unis, ils ont la capacité d'opérer des miracles. C'est pour ça que j'aime l'histoire de Pierre et de Jean. Ils sont au temple. La Bible déclare qu'il y avait un paralytique. Le paralytique a demandé de l'argent. Mais j'aime une chose. La Bible déclare, Pierre se lève et il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. J'ouvre une parenthèse. L'apôtre Pierre commence de manière croissante. Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, ça veut dire que ce que l'apôtre Pierre a fait était plus fort que l'or et l'argent. Ce que l'apôtre Pierre a fait était plus précieux que l'or et l'argent. Je voudrais dire à quelqu'un ce que Dieu a déposé en toi est beaucoup plus fort que l'or et l'argent. Ce que Dieu a déposé en toi est beaucoup plus précieux que l'or et l'argent. Ce que Dieu a déposé en toi, tu seras en train de relever des nations. Ce que Dieu a déposé en toi, tu seras en train de relever des familles. Ce que Dieu a déposé en toi, tu seras en train de changer l'histoire de ta famille. J'annonce à quelqu'un que tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi, qui sera en train de bouleverser ta génération. L'apôtre Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. La Bible déclare que le paralytique s'est levé, il a bondi et il a commencé à marcher. Parce que l'apôtre Pierre a fait quelque chose de puissant. Il a reçu de l'Esprit de Dieu. L'enfant de Dieu, la Bible déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Parce que dans l'Esprit de l'homme, l'Éternel a un parti de grâce. Dans l'esprit de l'homme, l'Éternel a un imparti des dons. De l'homme, l'Éternel a imparti des capacités. C'est la partie spirituelle. Et la partie la plus importante. Il de l'homme. Celui qui maîtrise le spirituel. Sera capable de dominer dans la vie. Parce qu'il relâche l'homme. Il lui dit dominer. Multiplier sa capacité à dominer et conséquence de la maîtrise de ta spiritualité. Que le Seigneur élève des hommes et des femmes qui seront spirituels dans cette salle. Ils seront capables de marcher avec l'esprit. Ils seront capables de marcher avec Dieu. Ils seront capables de marcher, de manifester les choses d'en haut. La Bible déclare: affectionnez-vous. Aux ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut sont ceux qui dominent sur la terre. Alléluia. Ma prière est le vœu de mon cœur. Et que l'Éternel te donne la capacité de dominer sur la terre. Et la Bible déclare: lorsque Pierre a parlé, le paralytique s'est levé. Et ce que j'aime, l'apôtre Pierre, papa, Pedro ne parle pas à la première personne du pluriel. L'apôtre Pierre parle à la première personne du singulier. Lakini Pedro, parce qu'il dit avec Jean, il aurait pu dire ce que nous avons. Mais il parle à la première personne du singulier. Parce que l'unité, c'est aussi la capacité de s'effacer afin de laisser son frère briller. L'unité, c'est aussi la capacité de comprendre que dans ce domaine, Dieu a fait la grâce à mon frère. Alors je m'écarte un peu afin que lui il soit mis en avant. Parce que cette unité là permet à l'église d'avancer. C'est pour ça qu'à l'église primitive il y avait des hommes et des femmes qui opéraient puissamment avec Dieu. L'unité n'est pas que la capacité de se mettre ensemble, mais l'unité est une position de force dans le monde spirituel, Dis avec moi que Dieu nous rende unis dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi que Dieu nous rende unis dans le nom de Jésus. Que Dieu nous rende unis dans le nom de Jésus. Ton voisin, dis-lui, soyons unis. Dis-lui, soyons unis. Dis-le très bien, soyons unis. Le deuxième élément qui permet aux hommes de manifester les miracles, d'opérer les miracles, c'est la sanctification. C'est avec moi la sanctification. Vous devez comprendre, enfant de Dieu, de la même manière que tu as un corps physique, tu as aussi un corps spirituel. Lorsqu'on parle de la prière, lorsqu'on parle des miracles, ce sont des activités qui font intervenir la partie spirituelle de l'homme. C'est comme ça que la Bible déclare. J'ouvre une parenthèse. Il faut que ceux qui adorent l'Éternel l'adorent en esprit et en vérité. Parce que vous devez comprendre, enfant de Dieu, que la prière n'est pas une activité physique. La prière est une activité surnaturelle. Et la Bible déclare en réalité dans l'homme, dans Job 8:32, Job 8:32, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence et la sagesse. Parce que vous devez comprendre que la prière est une rencontre d'esprit à esprit. En d'autres termes, lorsqu'on parle des miracles, les miracles font intervenir les capacités spirituelles de l'homme. Et les capacités spirituelles de l'homme se manifestent qu'en fonction de la sanctification de cette personne. Lorsque tu ne sais pas sanctifier ta bouche, lorsque tu ne sais pas sanctifier tes mains, lorsque tu ne sais pas sanctifier ton corps, l'homme intérieur est impacté. L'homme intérieur est impacté négativement. Parce que la personne que tu es a la capacité de se sanctifier. C'est comme ça que par définition, la sanctification n'est pas de fuir la pudicité, mais la sanctification est la capacité de se mettre à part. Parce que celui qui se met à part ne sera pas en contact avec l'impudicité. Celui qui se met à part ne sera pas en contact avec les œuvres de la chair. Parce qu'il sait se mettre à part afin de se consacrer pour Dieu. Il est et le Seigneur élève au milieu de cette génération des hommes qui vont marcher dans la sanctification. La sanctification a disparu au milieu des enfants de Dieu. On va prophétiser sans pour autant se sanctifier. On va opérer des miracles sans pour autant se sanctifier. En fait que Dieu nous utilise on a peine à sans pour autant se sanctifier. En fait que Dieu accomplisse des grandes on a choses à sans pour autant se sanctifier. J'interpelle l'esprit de quelqu'un ce soir. J'interpelle le cœur de quelqu'un ce soir. Le Seigneur nous appelle à la sanctification. Le Seigneur nous appelle à nous mettre à part. Le Seigneur nous appelle à nous mettre à part afin de ne pas marcher selon les œuvres de la chair mais à marcher selon les œuvres de l'esprit. Car la sanctification est l'une des dimensions qui permettent à un homme de manifester les miracles. Aide-moi à prier et à dire Seigneur, aide-moi à me sanctifier. Seigneur, aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à me sanctifier. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que la sanctification est des choses qui a disparu dans ma vie. Que le Seigneur nous aide à nous sanctifier. Car la Bible déclare sans la sanctification, nul n'entrera et verra le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à nous sanctifier. La deuxième dimension des miracles, c'est la dimension de ceux qui vivent les miracles. Il n'accomplisse pas forcément des miracles par l'onction ou la manifestation des dons spirituels, mais c'est des personnes qui ont la grâce de vivre les miracles au quotidien. Ils vivent les miracles dans les finances, ils vivent les miracles dans les familles, ils vivent les miracles dans le travail, ils vivent les miracles dans les investissements. Et l'un des éléments qui nous permettent justement d'être des personnes qui expérimentent les miracles, j'en donne deux simplement, mais il y en a plusieurs. L'esprit de Dieu a insisté dans mon esprit sur ces choses. Le premier élément qui permet à des hommes de vivre le miracle, la Bible déclare, alors que Jésus va recevoir les cinq pains et les deux poissons, la Bible déclare qu'il va lever les yeux. La Bible déclare qu'il n'a pas prié en langue. Il n'a pas fait une prière extraordinaire. Mais la Bible dit que Jésus rendit grâce. Parce que l'action de grâce emmène la multiplication. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais plus de 5000 personnes ont pu être nourries. Simplement parce qu'un homme avait rendu grâce devant l'Éternel. L'une des choses qui nous permettent d'expérimenter les miracles au quotidien, c'est notre capacité à rendre grâce. Même quand tu n'as rien, même quand tu n'as pas d'argent, même quand tu n'as pas de succès, apprends à rendre grâce. Parce que l'action de grâce provoque le miracle. L'action de grâce provoque le miracle. La Bible déclare Jésus rendit grâce. Yes, et les 5 pains et les 2 poissons fut multiplié parce que l'action de grâce emmène le miracle. Apprends à rendre grâce même quand tu n'as rien. Apprends à rendre grâce même quand tu attends le miracle. C'est ainsi que la Bible déclare, faites toutes sortes de prières, des actions de grâce. Rendez grâce en tout temps. Rendez grâce à Dieu en tout temps. Parce que l'action de grâce provoque les miracles. L'action de grâce provoque les miracles. Que Dieu donne des hommes et des femmes qui sont matures spirituellement afin de ne pas se lamenter dans la disette, mais être capable de rendre grâce. La deuxième des choses qui permettent à un homme d'expérimenter le miracle au quotidien, c'est l'adoration. Parce que lorsque vous lisez votre Bible en fond enfants de Dieu. De jeunesse à Apocalypse. Dieu ne cherche que deux types de personnes. Dieu cherche les intercesseurs. Et Dieu cherche les adorateurs. C'est comme ça qu'il est écrit dans le livre de Jean. Le chapitre 4, le verset 23. Dieu cherche les adorateurs. Le temps vient et elle est déjà arrivée. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Il est écrit dans Ézéchiel. Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Parce que de jeunesse à Apocalypse, je cherche deux types de personnes. Je cherche les adorateurs et Dieu cherche les intercesseurs. Que Dieu élève des adorateurs dans cette génération. Que Dieu élève aussi des intercesseurs dans cette génération. Des personnes qui seront capables de se tenir à la brèche alors que les autres sont en train de dormir, alors que les autres sont en train de fêter, et ils seront cachés quelque part. Ils seront en train de prier pour le réveil de la nation. Ils seront en train de prier pour le changement de la politique. Ils seront en train de prier pour que le Dieu de gloire soit en train de se manifester. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui n'auront pas l'envie d'être vus, mais qui auront la capacité d'être cachés afin de prier l'Éternel pour que les intercesseurs soient en train de prier, de manifester la gloire de Dieu. Parce que vous devez comprendre, enfant de Dieu, que les intercesseurs sont ceux qui ouvrent la porte. Mais les adorateurs sont ceux qui relâchent la gloire. Pour que la gloire ne descende, il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Les intercesseurs sont ceux qui ouvrent le ciel. Et les adorateurs sont ceux qui relâchent la gloire. Lorsque le ciel est ouvert, et l'adoration, l'adoration et l'atmosphère qui permettent à un homme d'expérimenter le miracle au quotidien. Lorsque nous adorons le Seigneur, d'ailleurs lorsque vous lisez votre Bible, vous allez remarquer avec moi, prophète Kevin Mack, que tous les êtres qui sont autour du trône de la grâce sont en train. Tous les êtres qui sont autour du trône de Dieu sont en train d'adorer. Parce que l'adoration occupe une grande place dans le monde spirituel. Qui fait en sorte que le miracle soit en train de se manifester. Or, par définition, l'adoration veut dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration veut dire à Dieu ce qu'il est. En d'autres termes, celui qui adore est en train de provoquer la manifestation des attributs de Dieu dans sa vie. C'est comme ça que lorsque vous lisez votre Bible, l'Éternel porte plusieurs noms. Pour dire, dans chaque situation, l'Éternel porte un nom qui correspond à la solution. Dans chaque situation, l'Éternel porte un nom qui correspond à la solution. Voilà pourquoi l'Éternel a plusieurs attributs. Parce que dans chaque situation, il y a un nom de l'Éternel. Il y a la capacité d'apporter des miracles, de manifester les miracles, de produire les miracles. Que Dieu donne des hommes et des femmes qui auront la révélation de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare un homme dans l'âge de la vieillesse qui s'appelait Abraham. Il y avait une femme qui s'appelait Sarah. La Bible déclare que l'ange vient pour dire que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Or, dans la loi de température et de pression, cette femme n'avait pas la capacité d'enfanter. Mais le nom de El Shaddai avait la capacité de défier la science, de défier la technologie, de défier les lois humaines. C'est ce que les hommes peuvent dire. Dieu élève des hommes. Dieu a la révélation des noms de Dieu. La Bible déclare que El Shaddai s'est manifesté. Un homme qui était vieux, une femme qui était vieille, a eu un enfant dans l'âge de la vieillesse. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour recevoir ton miracle. Il n'est jamais trop tard pour recevoir son miracle. Abraham a reçu un enfant dans l'âge de la vieillesse. Sarai était vieille. Les médecins auront pu dire qu'elle a la ménopause. Ce n'est pas possible. C'est trop et ses matrices. Sont beaucoup trop lourdes pour enfanter. Mais la Bible déclare que cette femme a enfanté parce qu'il n'est jamais trop tard pour recevoir ton miracle. Il n'est jamais trop tard pour recevoir ton miracle. Il n'est jamais trop tard pour recevoir ton miracle. Voilà pourquoi Job dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je l'ai fait le dernier. Je ne veux pas dire que l'Éternel va se lever à la fin de tout. Je l'ai fait le dernier. Je veux dire que l'Éternel va se lever au bon moment. Le nom de Jésus. L'Éternel va se lever en ta faveur au bon moment dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel va se lever dans ta situation au bon moment. J'annonce dans le nom de Jésus comme un prophète que l'Éternel se lève dans ta situation au bon moment. La saison de la pauvreté est finie. La saison de l'échec est finie. La saison des larmes est finie. Parce que l'Éternel se lève au bon moment. Parce que l'Éternel se lève au bon moment. Le temps de l'humiliation est fini. Le temps de la honte est fini. Parce que l'Éternel se lève au bon moment. Quelque fois que je suis un motivateur. Mais je ne suis pas un motivateur. Je suis un prédicateur. Parce que la différence entre un motivateur et un prédicateur, c'est que le motivateur parle sur base de l'intelligence humaine et la motivation qu'il te donne. Il est motivé pendant un certain temps et après cela disparaît. Mais le prédicateur parle sur base de la révélation de la parole de Dieu. Or la Bible déclare que sa parole est esprit et vie. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, elle ne donne pas une motivation temporaire. Elle ne donne pas une détermination temporaire. Mais elle est esprit et vie. Elle touche ton corps. Elle touche ton âme. Voilà pourquoi il est écrit qu'il leur envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Il y a des personnes qui reçoivent la guérison ce soir. Il y a des personnes qui reçoivent la guérison ce soir. Il y a des personnes qui reçoivent la guérison ce soir. Parce que El Shaddai sera en train de se lever en ta faveur dans le nom de Jésus. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu, enfant de Dieu, Dieu a autant de noms dans les Écritures qui fait en sorte que le miracle soit en train de se manifester. Mais j'aime une chose, il y a un nom de Dieu qui manifeste tous les attributs de Dieu et qui règle tout problème sur la terre. Lorsque l'Éternel se révèle à Moïse, il se présente comme étant le verbe être. Or, pour ceux qui ont appris le bon français comme moi, ils savent qu'il existe des verbes auxiliaires. Les verbes auxiliaires permettent de conjuguer d'autres verbes. Et lorsqu'on parle des verbes auxiliaires, il existe le verbe avoir. Il existe le verbe avoir, que Dieu te donne ce qui est à toi dans le nom de Jésus. Et il existe le verbe être. Et l'Éternel se manifeste à Moïse comme étant le verbe être. Il lui dit, quand ils te poseront la question qui t'a envoyé, tu leur diras que c'est Jésus qui m'a envoyé. Comme pour dire, dans la situation de ta vie, je prendrai la forme de la manière dont tu vas me conjuguer. Ça veut dire que la manière dont tu vas conjuguer l'Éternel détermine le miracle qui sera en train de se manifester. La manière dont tu vas conjuguer l'Éternel détermine le miracle qui va se manifester. Ainsi dans la pauvreté, je peux dire je suis riche. Ainsi dans la pauvreté, je peux dire je suis riche. Dans la maladie, je peux dire je suis guéri. Dans la faiblesse, je peux dire je suis fort. Parce qu'il donne le verbe être pour permettre à l'homme de le conjuguer selon la solution qui correspond au problème qu'il rencontre. L'Éternel est je suis. Et je suis sera en train de se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. L'Éternel est je suis. Et je suis sur en train de se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Dis-le très bien Amen. Dis-le très bien Amen. Dis-le très bien Amen. Ce deuxième élément est l'une des choses qui permettent aux hommes d'expérimenter le miracle au quotidien. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de dire, ne limite pas le Dieu de ton miracle. Ça veut dire que Dieu peut se manifester de diverses manières. Tu ne dois pas définir la manière dont l'Éternel va se manifester. Parce que très souvent, lorsqu'on s'attend au miracle de Dieu, on définit déjà dans notre esprit comment Dieu va me visiter. Tu attends que Dieu te visite dans les finances. Tu as déjà défini dans ton esprit que cela passera par un travail de salarié que Dieu va te donner. Mais pourtant, Dieu, dans son système, il a peut-être prévu que tu rencontres un homme qui te donnera une offrande, une grande offrande, afin que tu montes ta propre entreprise. Parce que Dieu peut se manifester de diverses manières. Lorsqu'on parle de ne pas limiter le Dieu de miracles, il faut comprendre qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que l'Esprit de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. L'Esprit de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. C'est pour ça qu'il est écrit, le même esprit, les mêmes dons spirituels, mais diverses opérations. Mais diverses opérations. Parce que l'Esprit de Dieu peut se manifester de diverses manières. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que Dieu élève des hommes spirituels, des hommes prophétiques, qui auront la capacité de comprendre la voie par laquelle l'Éternel sera en train de les visiter. Sera en train de les visiter. Ton miracle peut venir de diverses manières. Tu dois simplement avoir un esprit ouvert. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, je sens mon miracle ce soir. Dis-lui très bien, je sens mon miracle ce soir. Je sens mon miracle ce soir. Je sens mon miracle ce soir. Alléluia. Et pendant que je parle, je sens l'Esprit de Dieu me dire qu'il y a des personnes qui vont recevoir des miracles ce soir. Qui vont recevoir des miracles ce soir. C'est ton Amen qui n'est pas arrivé ici devant. C'est ton Amen qui n'est pas arrivé ici devant. Que Dieu te voie ce soir et que Dieu voie aussi ta situation dans le nom de Jésus. Parce que vous devez comprendre, enfant de Dieu, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous n'êtes pas seul, vous représentez aussi votre famille. Parce que le monde spirituel fonctionne avec la loi de la représentation. C'est ainsi que par la prophétie, je peux parler à quelqu'un mais en localisant son oncle. Parce que le monde spirituel fonctionne avec la loi de la représentation. Ainsi, j'annonce à quelqu'un que le miracle qui arrive ne sera pas seulement en train de te toucher, mais le miracle qui arrive sera aussi en train de toucher ta famille. J'annonce à quelqu'un que le miracle qui arrive ne sera pas seulement en train de te toucher, mais le miracle qui arrive sera aussi en train de toucher ton quartier. Parce que Dieu élève des hommes. Dieu élève des hommes. Des hommes qui seront de réveil. Des femmes de réveil. Qui vont toucher les familles. Qui vont toucher les nations. Qui vont toucher les quartiers. Dans cette ville de Likasi, Dieu élève une jeunesse qui va marcher avec Dieu. Et cela commence dans cette église. Cela commence dans cette église. Il y a des jeunes que Dieu élève. Il y a des jeunes que Dieu élève à une dimension particulière afin d'amener le feu de Dieu dans la ville de Likasi. J'annonce dans le nom de Jésus, comme un serviteur de l'Éternel, il arrive un temps dans la ville de Likasi où des hommes marcheront à l'extérieur, où des jeunes sortiront à l'extérieur. Ils seront en train de prêcher l'Évangile dans la rue et les hommes et les femmes seront en train de recevoir les miracles. Il arrive un temps où même la politique de cette ville ne pourra plus les contenir. Parce que ce sont des hommes et des femmes que Dieu relâche afin de manifester le feu de Dieu. Et j'annonce cela comme un serviteur de Dieu, que cela est en train d'arriver dans cette ville, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il y a un échantillon de ces personnes dans cette salle qui seront activées dans la grâce et qui marcheront avec l'Éternel. Dis-moi amen. Dis-moi je reçois. Dis-moi je reçois. Dis-moi je reçois. Dis-moi je reçois. Que cela s'attache à ta vie. Que cela s'attache à ta vie. Que cela s'attache à ta vie. Dans le nom de Jésus. Et lorsqu'on parle des miracles, vous devez comprendre, enfant de Dieu, que tous les miracles ne sont pas les mêmes. Tous les miracles ne sont pas les mêmes. Alors que je méditais, le Seigneur me parlait de plusieurs sortes de miracles. Il y en a tellement qui peuvent être catégorisés de différentes manières. Mais il y en a trois que je vous donne, que l'Esprit de Dieu est en train de me donner. Le premier type de miracle, c'est ce qu'on appelle le miracle par instruction divine. Je l'ai épinglé hier, mais je ne l'ai pas développé. Il existe ce qu'on appelle le miracle par instruction divine. Dans notre texte de base, on parle d'une femme qui s'adresse au prophète et qui dit que son mari est mort et on va la ravir tous ses biens. Le prophète relâche une instruction. Va chez tes voisins, prends des vases, et lorsque tu viendras avec, l'huile va commencer à couler. Tu vendras cela et tu payeras tout ce que tu dois. Et la Bible déclare que cette femme fera ce que le prophète va dire. Et elle va recevoir son miracle. Parce qu'il existe des miracles que tu attends qui ne se feront que lorsque tu seras en contact avec une instruction divine. Parce qu'il y a des miracles qui sont attachés à la mise en pratique d'une instruction divine que Dieu te donne. C'est ainsi que Naaman, le grand général, qui portait en lui la lèpre, va voir le prophète afin de recevoir un miracle. La Bible déclare que le prophète lui dira: va te jeter autant de fois dans le Jourdain et tu recevras ton miracle. La Bible déclare que le général sera irrité. Excuse-moi, j'ai un peu des mots compliqués, hein? Je suis juriste. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On acclame très fort pour mon interprète. Il est extraordinaire. Alléluia. La Bible déclare que le général sera fâché. Et la Bible déclare qu'il va partir. Et lorsqu'il part, son serviteur lui dit: mais tu n'as rien à perdre. Obéis simplement à l'instruction divine. Parce que des fois, l'instruction divine demande que vous soyez revêtus de l'humilité. Parce que des fois, Dieu peut te demander quelque chose qui ne correspond pas au statut que tu as. Dieu peut te demander de faire quelque chose qui ne correspond pas à ton standing de vie. Tu dois être capable de manifester l'humilité. Parce que l'humilité est l'un des éléments qui nous permettent justement d'expérimenter le miracle. Et lorsque le serviteur parle au général, il rentre en lui-même. Il se dit: je n'ai rien à perdre. Et la Bible déclare: il va se jeter dans le Jourdain et il va recevoir son miracle. Parce qu'il existe des miracles qui sont attachés à une instruction divine. Voilà pourquoi ne néglige pas ce que Dieu te dit quand tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Parce que la nouvelle saison n'est pas souvent attachée à ta capacité à prier. Mais la nouvelle saison est souvent attachée à ta capacité à obéir aux instructions. Que Dieu donne des hommes et des femmes qui seront obéissants aux instructions. Car la Bible déclare: mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Que les sacrifices. C'est le premier type de miracle. Nous sommes en train de chuter. Le deuxième type de miracle, c'est ce qu'on appelle le miracle par processus. Dis-le très bien, miracle par processus. Dis-le très bien, miracle par processus. Il existe des miracles qui, lorsqu'elle doit se manifester, elle prend un certain temps. Elle prend un certain temps. C'est un processus. C'est comme ça que la Bible déclare, lorsque le jeune homme emmène les 5 pains et les 2 poissons, la Bible déclare que Jésus rendit grâce. Et il donna à ses disciples afin qu'on distribue aux gens. Or, la Bible nous montre que c'est lorsqu'il était en train de distribuer que tout le monde était en train de recevoir sa part. Ça veut dire que lorsqu'il rendit grâce, les pains ne se sont pas multipliés directement. Les pains ont commencé à se multiplier lorsqu'ils étaient en train de partager. Et ils se sont rendus compte que à chaque fois qu'ils partageaient, il y avait encore du pain. À chaque fois qu'ils partageaient, il y avait encore du poisson. À chaque fois qu'ils partageaient, il y avait encore du pain. Ça veut dire que dans le processus de partage, le miracle était en train de se produire. Il existe des miracles qu'on appelle des miracles par processus. Plus tu es en train de faire la chose, plus le miracle est en train de se manifester. C'est comme ça que j'ai dit hier, la présence de Dieu n'est pas statique. La présence de Dieu, elle est continue. La présence de Dieu n'est pas statique. La présence de Dieu est continue. C'est ainsi qu'il est écrit, la terre était tohu, oh mon Dieu, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas statique. L'Esprit de Dieu bouge. C'est pour ça que la femme à la perte de sang a été celle qui a reçu sa guérison. Parce qu'elle a vu Jésus bouger dans la foule. Elle s'est dit en elle-même, si je puis aller toucher son pain, je recevrai la guérison. C'est ainsi qu'il existe des miracles par processus. Alléluia. Alléluia. Le dernier type par lequel nous serons en train de chuter, c'est celui qui me plaît. C'est ce qu'on appelle les miracles instantanés. Dis avec moi les miracles instantanés. Dis-le très bien, les miracles instantanés. Dis-le très bien, les miracles instantanés. Plus fort, les miracles instantanés. Il existe des miracles instantanés. C'est ainsi que la Bible parle de la femme à la perte de sang. J'ouvre une parenthèse. Des fois, le problème que tu as rencontré pendant plusieurs années a fait en sorte que les gens ne connaissent plus ton nom, mais qu'ils te connaissent par le nom de ton problème. La Bible ne donne pas le nom de la femme à la perte de sang. La Bible dit simplement la femme à la perte de sang. Parce que des fois, il existe des gens qui ont connu tellement des problèmes qu'on ne les connaît plus par leur nom, mais on les connaît par le nom de leurs problèmes. Je prie dans le nom de Jésus que si tu étais connu par le nom d'un problème, que cela soit en train de s'arrêter dans le nom de Jésus. Il y a des familles qu'on ne connaît plus par leur nom, mais on leur connaît simplement par la pauvreté. Il y a des familles qu'on ne connaît plus par leur nom, mais on leur connaît simplement par le nom de l'humiliation. Parce qu'ils ont tellement souffert, ils ont tellement connu l'échec, qu'on les a surnommés par le nom de leurs problèmes. Mais j'annonce dans le nom de Jésus que cela s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus. Que cela s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus. Elle était appelée la femme à la perte de sang. Parce que pendant 12 ans, on la connaissait comme une femme qui perdait du sang. C'est comme une personne qui est dans cette salle. Pendant 10 ans, tu ne fais qu'avoir la même maladie. C'est comme une personne qui est dans cette salle. Pendant 10 ans, dans ta famille, personne n'a jamais touché 1 000 $. C'est comme une personne dans cette salle. Pendant 10 ans, tu t'es fait insulter à l'université. Tu n'as pas connu de succès. Tu as tout le temps échoué. Et on t'a collé le nom de celui qui échoue toujours. De celui qui échoue toujours. Mais j'annonce dans le nom de Jésus que le temps de l'humiliation est arrêté. Dieu restaure ton nom. Dieu restaure ton nom. Dieu restaure ton nom. Dieu restaure ton nom. Dans le nom de Jésus. Et la Bible déclare que cette femme à la perte de sang, lorsqu'elle a vu Jésus passer dans la foule, elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le pan de Jésus, je recevrai ma guérison. Mais là où je suis choqué, les Écritures nous montrent, papa, que plusieurs personnes étaient en train d'oppresser Jésus. Pendant qu'il passait dans la foule, les gens étaient en train d'oppresser Jésus. Les gens le touchaient de partout. Mais à un moment, Jésus s'arrête. Il pose la question, qui m'a touché? Si j'étais à la place de Pierre, mais j'allais dire, maître, nous sommes en train d'assurer ta sécurité. J'ai failli tomber il y a 10 secondes parce qu'il fallait que je te protège. Mais tu me dis qui m'a touché. Jésus dit, il y a une puissance qui est sortie de moi parce que cette femme n'avait pas touché Jésus comme tout le monde. Cette femme n'avait pas touché Jésus comme tout le monde. Cette femme avait touché Jésus de manière particulière. Jésus avait été touché de manière particulière. C'est comme ça qu'il dit, ta foi t'a sauvé. Et même lorsqu'il guérit les malades, il leur dit après que ta foi t'a sauvé. C'est comme l'histoire de Bartimée. La Bible déclare que Bartimée était aveugle. Bartimée était aveugle, mais il avait encore les oreilles. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque le diable t'a privé de quelque chose, il ne t'a pas privé de tout. Lorsque le diable t'a privé de quelque chose, il ne t'a pas privé de tout. Bartimée était aveugle, mais il avait encore les oreilles. La Bible déclare, lorsqu'il entendit Jésus passer dans la foule, Bartimée a crié, « Aie pitié de moi, fils de David. Il y a une personne dans cette salle qui est comme Bartimée. Tu n'as pas la capacité de réfléchir. Tu n'es pas le plus intelligent. Tu n'es pas celui qui réfléchit souvent. Mais je voudrais te dire que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Bartimée n'avait pas les yeux, mais Bartimée avait les oreilles. Je voudrais dire à quelqu'un, un défaut ne veut pas dire que tu as des qualités. Un défaut ne veut pas dire que tu as des qualités. La Bible déclare, lorsqu'il a entendu Jésus passer, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Je cherche quelqu'un dans cette salle qui sera comme Bartimée et qui va crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que les hommes vont chercher à le faire taire. Les hommes vont chercher à le faire taire. Mais la Bible dit que Bartimée cria encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Des fois tu as prié, tu as l'impression que l'Éternel n'a pas entendu. Des fois tu as jeûné, tu as l'impression que Dieu n'a pas entendu. Des fois tu es allé à la montagne, tu as l'impression que Dieu n'a pas exaucé. Je voudrais dire encore, crie encore, crie encore, crie encore, crie encore, crie encore, crie encore. Parce que lorsque tu cries, le miracle arrive. Lorsque tu cries, le miracle arrive. La Bible déclare que les hommes qui l'empêchaient de crier sont les hommes qui sont allés le chercher pour l'amener là où il y avait Jésus. Des fois, ce qui t'empêche de connaître le succès et le miracle sont les personnes que Dieu va susciter pour t'introduire dans ton miracle. C'est ainsi qu'il est écrit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Dieu ne dresse pas un mur. Dieu dresse une table. C'est compliqué. Pourquoi Dieu devant mes adversaires qui veulent me faire du bien, il ne dresse pas un mur afin que je sois protégé? Mais la Bible déclare, il dresse une table. Or, lorsqu'on dresse une table, c'est pour manger et célébrer. Lorsqu'on dresse une table, c'est pour manger et célébrer. En d'autres termes, l'Éternel veut dire, si tu as été humilié en public, tu seras aussi honoré en public. Si tu as été humilié en public, tu seras aussi honoré en public. J'annonce à quelqu'un dans le nom de Jésus que tu seras aussi honoré en public. Les gens qui t'ont humilié, les gens qui t'ont insulté, les gens qui t'ont dénigré sont les personnes qui vont t'ouvrir le chemin afin d'entrer dans ton miracle. Et la Bible déclare, lorsque Bartimée a crié, il fut amené devant Jésus. Jésus a parlé. Et il a reçu son sa guérison. Il a reçu sa guérison. Parce que la quantité de ta foi amplifie ton cri. La quantité de ta foi amplifie ton cri. Il avait une foi tellement grande que même lorsqu'on a failli le bloquer, Bartimée a élevé la voix. Bartimée a encore crié. Bartimée a encore crié. Jusqu'à ce que l'Éternel soit en train de lui donner la solution. Je voudrais dire à quelqu'un, ce soir l'Éternel sera en train de visiter ceux qui seront en train de crier. Ce soir l'Éternel sera en train de visiter ceux qui seront en train de crier. Ce soir l'Éternel sera en train de revêtir ceux qui seront en train de crier. Tu as prié la première fois, tu as prié la deuxième fois, tu as prié la troisième fois, rentre encore à la septième fois. Il y a un petit nuage qui annonce la pluie. Rentre encore la septième fois. Il y a un petit nuage qui annonce la pluie. Je voudrais dire à quelqu'un, rentre encore une septième fois dans la prière, car il y a un nuage qui annonce la pluie. Ce soir, je cherche des personnes qui rentreront encore une septième fois dans la prière, dans les gémissements, parce qu'il y a encore la pluie. Il y a un nuage qui annonce la pluie. Il y a un nuage qui annonce la pluie. Il y a un nuage qui annonce un miracle. Je voudrais dire à quelqu'un, ce soir le ciel s'ouvre sur ceux qui seront capables de crier. Ce soir le ciel s'ouvre sur ceux qui seront capables de crier. Parce que la Bible déclare, lorsque Bartimée a crié, il fut transporté vers Jésus et il a reçu sa guérison. Il a reçu sa guérison. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Dans la vie de celui qui dit Amen. Que ta visitation arrive. Je prie dans le nom de Jésus. Dans la vie de celui qui se lève et qui dit Amen. Le miracle arrive. Je prie dans le nom de Jésus. Dans la vie de celui qui se lève et qui dit je reçois. Que la saison de gloire arrive. Je prie dans le nom de Jésus. Dans la vie de celui qui se lève et qui dit Amen, la richesse arrive. Je prie dans le nom de Jésus. Dans la vie de celui qui dit je reçois, la gloire de Dieu arrive. Je prie dans le nom de Jésus. Dans la vie de celui qui acclame, la gloire de Dieu arrive. Je prie dans le nom de Jésus. Dans la vie de celui qui acclame, la richesse arrive. Je prie dans le nom de Jésus. Dans la vue de celui qui dit je reçois, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu est en train de venir, que la gloire de Dieu est en train de venir. Et la Bible déclare, Bartimée n'était plus l'aveugle, mais il était celui qui voyait. Il était celui qui voyait. Ce soir l'Éternel est en train de voir le problème de plusieurs personnes. Il ne me reste que 5 minutes et le prophète va monter pour nous bénir. Alléluia, il nous fera du bien. Ce soir, je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu pries. Et que tu dises à l'Éternel, Seigneur, Seigneur, Seigneur, je veux un miracle. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Pendant 5 minutes. Nous allons prier. Hier, alors que je faisais le service, j'ai relâché 3 vagues. Parce que lorsque je préparais ce moment, l'Esprit de Dieu m'a dit que je ne t'envoie pas pour prophétiser beaucoup, mais je t'envoie pour impacter une génération. Parce que lorsque je priais, j'ai vu une vision où des hommes étaient en train de recevoir la grâce. Parce que Dieu élève des hommes qui sont en train de marcher avec Dieu. Et hier, j'ai libéré 3 vagues. Et ce soir, il y a 4 vagues que l'Esprit de Dieu voudrait libérer au milieu de son peuple. La première vague, c'est la vague de ceux qui vont opérer dans la puissance. La deuxième vague, C'est la vague de ceux qui vont prophétiser. La troisième vague. C'est la vague de ceux qui ont la royauté. Et la quatrième vague. C'est l'activation des dons spirituels. Il y a des personnes que Dieu élève dans cette jeunesse. Alléluia. Comme étant des signes. Comme étant des signes. Que le Seigneur sera en train de puissamment utiliser. Si tu es là, balance ta main. Si tu es là, balance ta main. Balance ta main de là où tu es. Balance ta main de là où tu es. Je n'ai que 5 minutes, après je vais déposer. Je vais faire très vite. Je voudrais que tu pries. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Il existe un temps dans la présence de Dieu où ta vie peut changer. C'est pour ça que les Écritures disent il vaut un jour dans tes parvis comme mille ailleurs. Alléluia. Je respecte l'impartation parce que c'est le fruit de ce que nous sommes. Au-delà des enseignements, l'impartation amène un homme à un autre niveau. Il y a des personnes ici qui vont prophétiser pour la première fois. Tu n'as pas dit amen. Amina. Tu n'as pas dit amen. Amina. Tu n'as pas dit amen. Amina. Il y a des personnes ici qui vont prophétiser pour la première fois. Parce que Dieu reprend des grâces dans la salle. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que pendant quelques minutes, Alléluia, tu peux élever ta voix? Alléluia. Prie sérieusement. Alléluia. Prie 5 minutes. Je n'ai pas plus Alléluia de minutes. 5 minutes. Alléluia. Où tu pries? Alors que la servante de Dieu nous emballe, toi tu es en train de prier. Toi tu es en train de prier. Et de dire à Dieu. Et de dire à Dieu. Visite-moi. Visite-moi, Esprit de Dieu. J'ai entendu parler de toi. Maintenant mes yeux veulent te voir. Mes yeux veulent te voir. Mes yeux veulent te voir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Ah, j'aime Alléluia. Cette chanson. Ça m'a mis comme moi. Yes. Ça m'a mis comme moi. Yes. Si calo. Zamba bika mwa mimonisa. Zamba bika mwa zikalola na yo efuwa ma. Zamba bika mwa mimonisa. Yeah yeah. Zamba bika mwa. Sikalola na yo efungwa ma Zamba bika mwa mimonisa. Zamba bika mwa sikalola na yo efungwa Zamba bika mwa mimonisa. Tu le déclares. Sikalo Zamba bika mwa na pokwa lelo yema Zamba bika mwa Yesu eh Yesu mwa Yesu eh si ukeno nechale la uchiko aleza wetu kuingile ne batue ya chale utumisha jijina cha Yesu usanguke amuluna muyampe wabiuke no nechalelo ujiko aleza wetu wingine nebatue ya chalelo utumisha chishina za Yesu ela sumaria ela kataria masukari reki pasu palia nema ela sumaria nema ela reme nevesha ika sute raka papapapalia suta ela sumani reki pasu talia raka kakabasha talia ne Et lève ta voix, commence à prier. Je veux entendre les voix s'élever dans la salle. Je veux entendre les voix s'élever dans la salle. Pendant une minute simplement. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Une minute simplement. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Si tu parles en autre langue, tu peux parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, demande à l'Esprit de Dieu de te baptiser. Ah, sont en train de battre des mains. Et sont en train de circuler dans la salle. Sont en train de circuler dans la salle. Tu vas des mains et tu circules dans la salle. Tu vas des mains et tu circules dans la salle. Tu vas des mains et tu circules dans la salle. Tu vas des mains et tu circules dans la salle. Shekaparakata. Rebekete lebeka. Shekaparadebeko. Rebele ne sopaya. Shekete lebeka. Rebekande lebeko. Shekete lebeka. Rebekando bokota akangi. Fikande bigi bigi bigi bigi ga. J'entends quelqu'un prier. Caro, hey! 30 secondes, prie encore. Rame konde lebe shakate. Shakate. Seforata. Jate le nom de Kobahata. Jagabahata. Lengaba shakata. Rakatom je ate lebeko. Rama ate lebe. Eh Dieu. Jacobaya. J'étais aimé. Alors que tu élèves tes mains. Oh Dieu. Alors que tu élèves tes mains. Magadosh. Répète nos saveurs à tes. J'étais le nom des cobras à tes lignes. Juste avec le clavier. Alors que tu élèves tes mains. Tu es simplement en train de parler en notre langue légèrement. Tu es en train de parler en notre langue. Je viens de voir cette personne être touchée par l'onction de Dieu. Je viens de voir cette personne être touchée par l'onction de Dieu. Alors que tu as levé tes mains et les yeux fermés. Père, Baba. Père. Baba. Père. Baba. Père. Baba. Père. Baba. Père. Baba. Il y a sept personnes, sept premières personnes. Kuko watu. Sur qui cette gloire est en train de tomber. Et c'est des hommes et des femmes que Dieu engendre dans la puissance. Yes. Yes. Père. Baba. Père. Baba. Père. Baba. Père. Baba. Père. Baba. Père. Baba. Il y a une gloire de Dieu qui circule dans la salle maintenant. Il y a une gloire de Dieu qui circule dans la salle maintenant. Il y a une gloire de Dieu qui circule dans la salle maintenant. Elle entre dans la salle. Elle entre dans la salle. Elle entre dans la salle. Je vois un feu circuler dans la salle et prendre ces personnes. Et prendre ces personnes. Alléluia. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Il y a 7 personnes. On voit tout ça. Mon Dieu, chale kabarado jete lebeka. Recande lebecha. Il ne me reste que 3 minutes. Et lève tes mains très haut. Cette gloire vient sur ces personnes. Cette gloire vient sur ces personnes. Cette gloire vient sur ces personnes. Cette gloire vient sur ces personnes. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce maintenant. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Venez avec cette personne devant. Fire, fire, fire. Il y a un feu de Dieu qui tombe dans la salle. Il y a un feu de Dieu qui tombe dans la salle. Courez avec ces personnes devant Dieu. Même à la chorale. Venez avec ces personnes devant. Il y a un feu de Dieu qui tombe dans la salle. Maintenant, maintenant, maintenant. Alors que tu as les mains levées. Alors que tu as les mains levées. Alors que tu as les mains levées. Ce feu de Dieu arrive. Ce feu de Dieu arrive. Je vois un feu de Dieu au milieu de la salle. Au milieu de la salle. Il y a un feu de Dieu qui tombe. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Pokea. Pokea. Pokea. Pokea. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rasso et Radabaka. Il y a une deuxième vague qui descend dans la salle. Alléluia. Et c'est la vague qui sont appelés à prophétiser. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu appelle à prophétiser. Ça se fait en une minute. Ça se fait en une minute. Ça se fait en une minute. Élève tes mains très haut. Père, j'appelle les prophètes. Et j'appelle les prophétesses. Prophètes. Prophètes. Prophètes. Prophètes. Prophètes. Prophétesses. Prophétesses. Prophétesses. Prophétesses. Prophétesses. Prophétesses. Prophétesses. Prophétesses. Courez avec ces personnes ici devant. Courez avec ces personnes ici devant. Prophètes. Prophètes. Prophètes. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses? Où sont les prophètes? Où sont les prophétesses? J'appelle les prophétesses. Prophétesses. Prophétesse. Prophétesse. Prophétesse. Prophétesse. Prophétesse. Venez avec elle ici devant. Prophétesse. Prophétesse. Prophétesse. Prophétesse. La gloire de Dieu vient sur la sœur qui est là-bas. Power. Power. Jesus. Plus. Prophétesse. Prophétesse. Prophétesse. Il y a une gloire de Dieu qui vient là-bas. À ma droite. À ma droite. Fermez simplement les yeux. Il y a une gloire de Dieu qui vient là-bas. Fermez simplement les yeux. Père. Père. Je prie qu'un ange se mette en mouvement et récupère ces personnes qui vont marcher dans le feu. Qui vont marcher dans le feu. Recevez. Recevez. Recevez. Recevez. Recevez. Recevez. Recevez. La troisième vague. Élève tes mains très haut. Élève tes mains très haut. La troisième vague, c'est la vague de ceux qui sont appelés à servir dans le domaine professionnel, dans la royauté, dans les affaires. L'onction des affaires descend dans cette salle. Maintenant, ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle. Les rois. Les rois et les reines. Les rois et les reines. Les rois et les reines. Les rois et les reines. Recevez maintenant le feu de Dieu. Recevez maintenant le feu de Dieu. Recevez maintenant le feu de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Ils sont au nombre de trois. J'ai compté un. Feu Holy Ghost. Deux. Feu Holy Ghost. Trois. Feu Holy Ghost. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dans le nom de Jésus. Élève tes mains. C'est la dernière vague. La vague de l'esprit. Et la vague de l'esprit. Je n'aurai pas besoin de crier. Mais l'esprit de Dieu va circuler dans la salle. Et ça se fait maintenant. L'esprit de Dieu circule dans la salle. Active les dons spirituels. Active les dons spirituels. Élève tes mains très haut. Élève tes mains très haut. Change de mélodie. Joue quelque chose que l'esprit de Dieu met dans ton cœur. Il y a quelque chose. Maintenant. Maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est la vague de l'esprit. La vague de mon ami le Saint-Esprit. Alléluia. Cette vague. Alléluia. Monte encore, monte. Cette vague entre dans la salle. De ma droite. Et ça va jusqu'à ma gauche. Cette vague de Dieu. Cette vague de l'esprit. Elle entre dans la salle. Maintenant. Ça save. Maintenant. Ça save. Yes. Yes. Yes. Dio. Dio. Dio. Dio. Père, je compte jusqu'à 7. Et les anges de Dieu se déplacent. J'ai compté 1. J'ai compté 2. Attention, je viens de voir une sœur être secouée par la puissance. J'ai compté 3. J'ai compté 4. J'ai compté 5. J'ai compté 6. Et j'ai compté 7. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Ça tombe sur une autre sœur. Celle qui est en rose ici. Prenez-la, amenez-la devant. En rose ici. Plus. Plus. Plus. Jesus. Alors que tu as les mains levées, l'Esprit de Dieu circule dans la salle. L'Esprit de Dieu circule dans la salle. Ooh. nous a isolés. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse. Jigna kitulo, kitulo, kitulo. Jigna kitulo. Kitulo, kitulo, kitulo. Les hommes, jinya, kitulo, kitulo, kitulo. Kata longa bimweka, bimweka, bimweka. Les hommes, longa bimweka, bimweka, bimweka. Ha, tuka bwa mutilo. Les anges n'ont pas entendu ton amen. Je ne vous ai pas demandé d'arrêter. J'ai demandé au peuple de Dieu de m'écouter. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne sais pas ce que je vais faire. Le ciel est ouvert. Je disais, le ciel est ouvert. Amen. Et j'entends la voix de Dieu être claire cet après-midi. Amen. Alors qu'on joue cette chanson, je vois la gloire de Dieu qui tombe. Alléluia. Et je vois Dieu se souvenir de quelques personnes. Hey. Mais moi, j'ai vu l'ange de Dieu tomber sur ces claviers-là. Alléluia. Et je voyais un nom qui sortait là-bas. J'ai vu G, j'ai vu R, j'ai vu A, j'ai eu C, j'ai eu E. Et j'ai vu Chinya quelque chose. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Alors que tu es en train de jouer, je vois un ange qui descend avec une enveloppe. Amen. Et avec le nom de Chinyama, quelque chose du genre. Amen. Et Dieu me dit, à cause de ce que tu fais pour Dieu dans cette église, Dieu accepte de changer ta vie. Amen. Je ne te vois pas seulement que jouer au clavier. Je vois ta destinée aller très loin. Parce que Dieu est en train de me dire, lui, il n'est pas seulement qu'un joueur de clavier. Lui, c'est un grand prédicateur. Amen. Je vois Dieu t'amener très loin. Amen. Que la grâce qui tombe sur lui, ça tombe aussi sur toi. Amen. Je disais, je voyais la gloire de Dieu qui tombait sur la chorale. Hein? Moi, je ne vois pas seulement ceux-là qui sont ici, même ceux-là qui ne sont pas là. Demain, vous allez me chercher quelqu'un. Déborah Kumwamba. Kumwamba. Déborah. Déborah. Amen. Avance. Big. Come on. Alors que tu es en train de chanter, Dieu est en train de te localiser toi aussi. Je disais, alors que toi aussi tu es en train de chanter, Dieu est en train de chanter. Mouya, Ujila, Touba, Kuite, Pukuma, Fano, Ponga, Bimouekra, Nemeso, Ah, Moukaba, Kiko. Est-ce que tu célèbres le Seigneur? Je n'entends pas les cris de joie. Ujila tuba kuite Mukuma bando Longa bimweka nemeso Mukyama jino Uya ujila tuba kuite Mukuma bando Longa bimweka nemeso Mukyama jino Uya Uya ujila tuba kuite Mukuma bando Hey Longa bimweka nemeso Mukyama jino Je vois la chair en Seigneur. En Seigneur. Je le chante avec toi. Je vois la chair en Seigneur. En Seigneur. Oh, je ne t'entends pas. En Seigneur. Comment? Je vois la chair qui je pensais que tu allais sauter. Je vois la chair qui Shekina. Shekina. Shekina. Shekina. Je la vois, en Seigneur, je la vois, la Shekinah est là en toi, en Seigneur, comme la nuée, en Seigneur, elle est en toi, en Seigneur, comme la nuée, en Seigneur, elle te touche, elle te change, elle te transforme, oh oui, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Et Dieu se souvient de vous. Na Mungu anakukumbuka. Dieu ne se souvient pas que de vous, Dieu se souvient de votre famille. Asikumbuke pakawela kina kumbuka chama uchamsima. Dieu était en train de me montrer. Mungu anaanza kunionyesha. Je voyais ce nom ici. Dieu m'a amené au mois d'avril. Lorsque Dieu m'amène au mois d'avril, Dieu m'a dit, je te donne ces mois pour te dire que je la connais. C'est elle que je choisis. Dieu se souvient de vous. J'ai vu un hôtel s'est cassé en deux. Alléluia. Et cet hôtel, lorsque ça s'est cassé en deux, Dieu me dit ceci, à cause de votre prière sur cette semaine, les combats de mariage qui réclamaient les femmes chez vous, tu viens de les briser ce soir. Cette prophétie n'est pas que pour elle. J'ai pris que ça localise 10 personnes dans la salle. J'ai dit ça localise les 10 personnes les plus prophétiques. Si chez toi il y avait un problème de mariage, j'ai pris que ça tombe au nom de Jésus. Si chez toi l'esprit de divorce cherchait et réclamait les gens, je suis prophète et je suis sur une terre sainte. Je déclare que ça tombe au nom de Jésus. Chez toi, il n'y aura plus de divorcés. Chez toi, il n'y aura pas de retard de mariage. Oh, tu me donnes un bon amen, c'est pour toi. Tu me donnes le meilleur des amen, c'est pour toi. Je sens la gloire de Dieu ce soir. Tu me donnes un bon amen, c'est pour toi. Tu me donnes le meilleur des amen. Il peut quoi, amen. Shekinah, je la vois, oh Seigneur, je la vois, la Shekinah, elle entre, oh Seigneur, pour la durée, oh Seigneur, elle te touche, elle te change, elle te transforme, reçois-la, oh oui, je la veux, oh, je la veux, oui, je la veux, je la veux, la Shekinah, je la veux, je la veux. Tiens bien ton voisin. Maintenant, moi, mon voisin, il a la chance parce que il est à côté d'un prophète. Ta situation vient de changer. Amen, je reçois. Oh, ton amen n'est pas arrivé au ciel. Amen, je reçois. La sœur qui est juste là. Dada, où est-ce que je vois la grâce sur toi. Mais est-ce que tu sais que ta grâce, c'est le fait de sortir d'un quartier vers un autre. Tu sais ça? Oui. Avance. C'est ça même ta bénédiction de 2026. Dieu se souvient de vous. Parce que lorsque je parle à la dame qui vient de partir, je n'ai pas encore fini. Je voyais les mêmes anges qui descendent chez vous aussi. Et Dieu me dit les mêmes hôtels qui sont en train de se briser chez elles. C'est ce que Dieu est en train de faire cette semaine. Maman, moi et Mungu ne me pousse pas bien mingi. Je vous ai épargné parce que dans je beaucoup suis de choses. En train de voir même une personne qu'on appelle Adèle. Nikonaona mutu mwana mwita Adèle. C'est votre grande sœur. Chini Mungu anamkumbuka. Dieu s'est souvenu de sa maison. J'étais en train de voir. On avait déjà envoyé un démon. Et j'ai vu les démons récupérer les lits et les casser en deux. Mais j'ai vu Dieu quand on est en train de chanter. Quand je vous quitte ici, et il dit, je fais aussi chez Adèle. Parce que dans les mondes des ténèbres, on avait déjà prévu qu'on puisse fragiliser son mariage. À vous dire quoi beaucoup de choses. Mais je vois les dieux de papa dessiner. Dieu me dit ceci. L'ange que j'ai envoyé va travailler. Cette chose ne va pas arriver. Ça localise aussi ta famille dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'ai dit, ça localise tes frères. Ça localise tes sœurs. Je chasse l'esprit de divorce dans ta famille. Maintenant, vous là. L'autre fois, je vous ai donné le nom de Monga. Yes. Il n'y a pas que Monga. Oui. Je vois aussi Mutombo. Oui, c'est vous. Mungu anakumbuka baba. Amen, je reçois. Semaine loin, semaine yako. Amen, je reçois. Toute personne qui peut se tenir ici. Amen, je reçois. Ne peut pas quitter sans te bénir. Yeah. Yes. Tu t'es dit ceci. Avance. Une semaine. Oui. Il fait que sa semaine à repos. Nikouye. Yes. Je sens que Dieu veut me bénir. Amen, je le sens. Et Dieu me dit ceci, ce que tu sentais, yeah, c'était ta saison. Amen, je le sens. Auta shinda. Amen, je le sens. Shinda kwenu. Amen, je le sens. Auta shinda. Yes. Pourquoi je parle du nom de Mutombo? Oui. Je parle du nom de Mutombo. Oui. Parce que nikunona. Bantu ba 5 ba chakuibeba. Avance. Aina paka yako. Avance. Et l'esprit de Dieu est en train de me dire. Yes. Bote ba 5 ba lebeko na Mutombo. Oui. Kuku sauti. Yes. Iko ne ba réclamer. Come on. Inasema bo. Ataka mwa bana tumika. Yes. Abasi tapitaka apa. Amen. Mais je te vois toi. Yes. Unapanda. Avance. Unapanda tena. Amen. Je le sois. Unapasula na plafond. Amen. Je le sois. Dieu me dit ceci. Yes. Les liens derrière le nom de Mutombo. Oh. Dieu vient de les casser. Hey, amen. J'ai pris sur les liens de famille, les liens de nom. J'ai pris que les liens tombent dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, j'ai pris pour les liens. Les liens tombent au nom de Jésus. Papa Christian. Vous savez que Dieu se souvient de vous. Dans le mois de mars 2026, je vois une personne qu'on allait envoyer de Lubumbashi jusqu'à chez vous au boulot. Ça allait être un nouveau. Je les vois venir. Lui aussi, il met les fers comme vous. Je n'aime pas la prophétie qui divise. Moi, je suis là seulement pour vous préserver. J'ai vu une personne qui allait venir avec des mauvaises intentions. J'ai vu au mois de mars. Tu as maigri dans les côtes. À cause de l'organisation de ces carrefours, les poissons ne vont pas vous atteindre. Les yeux de l'alliance de votre père. Parce que Dieu me dit ceci, je vois. Moi qui rienne. Dans votre pensée, tu penses des choses. Vous bénit l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse, mon Kachan. Soit offrir une parcelle pour l'église. Soit encore faire un truc qui va dans les transports des gens de l'église. Et Dieu est en train de me dire ceci. À cause de vos intentions, Dieu confond cette personne. On ne va pas l'amener à l'Ikasi. Et il ne viendra pas dans votre bureau. Dieu te préserve toi aussi dans le nom de Jésus. Ta famille ne sera pas empoisonnée. Toi-même tu ne seras pas empoisonné. Voici les miracles qui accompagneront cette rencontre. Les plus grands miracles, lorsqu'on croit, c'est que le poison devient une vitamine. Tape ton voisin dans la main, dis-lui vitamine. C'est ma vitamine. Cherche celui de gauche, tape-le dans la main, dis-lui vitamine. C'est ma vitamine. Dis-lui le poison devient vitamine. Dis-lui le poison devient vitamine. Vitamine. Lance ta main, balance. Pépé. J'avais dit qu'il y avait deux mariages que vous avez prévus. Le deuxième mariage, c'est pour Viviane. C'est pour Viviane. J'ai besoin d'elle demain. Si c'est la femme, si c'est l'homme, j'ai besoin de tout un chacun. Dieu est en train de le bénir avant leur mariage. La cérémonie. Avant qu'on puisse célébrer. Dieu veut faire tomber la grâce. Parce que lorsque je parle de Viviane, Dieu se souvient d'elle. Parce que je suis en train de voir sur sa tête un ange vient avec un marteau. Il casse une bouteille. Et je vois que c'est une bouteille de bière. Dieu est en train de me dire ceci. Dieu se souvient de cette femme. Qu'elle soit là demain. Les liens de famille ne pourront pas la suivre dans son mariage. On va prier pour elle. Et Dieu va la faire grâce. Tu ne me donnes pas un bon amen. Amen. Alors que tu me donnes un bon amen, toi aussi, l'année prochaine, tu vas entrer avec une robe blanche ici. Oh, ton amen n'est pas arrivé au ciel. Tu me donnes un bon amen, la honte ne va pas entrer chez toi. On va prédoter. On va doter et on va te bénir ici. J'ai béni deux personnes dans la salle. Amen. Viens. Avance. Tu es en terminale. Est-ce qu'on a vu que Apa Tuna Sema Apa? Tu sais pendant qu'on parle ici. Tu sais que Dieu a changé des choses parce que tu viens d'obtenir ton diplôme maintenant, man. Parce que pendant que je parle, si tu n'étais pas venu chanter, tu allais redoubler à cause d'un assistant. Je suis en train de voir à chaque tour ma promotionnelle. Je le mets dans le sang de Jésus. Ça sera compliqué. Alléluia. La semaine prochaine, oui, fais une action de grâce. Chez papa. Comme ça. On est le 40e aujourd'hui. On est le 40e jour de la semaine. Sixième jour. L'action de grâce que tu vas faire, ça doit avoir les chiffres 6 dans l'enveloppe. Tu t'appelles l'action de grâce. Atakubariki. Tu ne vas pas échouer. Dieu de la source féconde n'est pas un Dieu qui échoue. J'ai pris pour tous les finalistes. Tu es finaliste à l'université. Tu es finaliste d'un cycle. Quelconque à l'université. J'ai pris pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aurai du temps demain. Je sens l'onction prophétique. Papa Christian, donnez-moi le temps demain. On va orienter les peuples de Dieu. Moi, je ne suis pas contre la sorcellerie. Demain, on va prophétiser. Si y a seulement la sorcellerie, Dieu va les faire partir. La sœur qui est en noir là, vous êtes en noir, venez s'il vous plaît. Vous priez ici. Vous dites? Parce que quand je suis en train de vous citer, je ne vois pas votre esprit ici. C'est pour ça que je vous pose la question si vous priez ici. Je ne vous ai pas vu ici. Mais seulement Dieu est avec vous. Moi, je n'ai pas chakou choukouro mungu. Parce que quelqu'un qui n'est mis échappe. C'est parce que la grâce de Dieu voulait préserver votre vie. Parce que nous naona, si vous n'étiez pas entré ici aujourd'hui, j'ai vu l'année prochaine, précisément au mois de juin, vous allez connaître un grave accident. Je suis en train de voir au niveau de Toyota. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Remerciez les seigneurs. Remerciez les seigneurs. Parce que Dieu est avec vous. Et rien ne va vous arriver. Dieu va vous garder. Cet accident ne va pas arriver. Dans le nom puissant de Jésus. On est debout s'il vous plaît. Je vais prier pour une catégorie de personnes. On a les yeux fermés. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Tu as eu à rêver. Un membre de ta famille qui était déjà mort, qui est déjà mort. Ça remonte à ces mois ou même au mois passé. Lève ta main droite. Et surtout, je parle des membres de famille. Donc, c'est-à-dire, c'est ton père. C'est ta tante, c'est ton oncle. Lève ta main, on va prier pour toi. J'étais en train de voir un esprit de mort. Hein? Il n'a plus ta mundoto. Ça vient de passer dans le rêve. Tu dors et puis tu es en train de rêver. Quelqu'un de sa famille est en train de lui dire, rejoins-moi, rejoins-moi. Alléluia. Et puis on a la mouka, trois jours après, on a koufou. Alléluia. Ça ne va pas arriver dans le nom puissant de Jésus. Aïstafika mouchina la Yesu. Ton amen n'est pas prophétique. Amen. Amen. Ton amen n'a pas chassé cette chose. Amen. Non, venez carrément devant. J'ai fini. Venez carrément devant. Tu vas bien. Tu vas bien. Tu es fiancé. Tu as quelqu'un. On va bien. Tu sais pourquoi je dis ça? Je connais une assez ma vie. Prie très bien. L'année prochaine, c'est ta saison. Moi, Kaijayo, la connais. La changa na boamingi. Il y a la sorcellerie qui se mélange. D'autres qui viennent de Panda. Tu dois beaucoup prier. Cher, le mois de décembre. Moi, c'est décembre. 16 jours de prière. Et bon, si comme tu dis à Dieu, Seigneur, l'année prochaine, je veux que quelque chose de bien puisse se passer. Confonds les plans du monde des ténèbres. Alléluia. C'est bon? On lève nos mains, s'il vous plaît. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier pour ton peuple. Je chasse les esprits qui passaient par leurs songes. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits des morts. Si voulait passer dans les sommeils. Pour les ensorceler. Pour les bloquer. Pour les limiter. Le Dieu des grâces, le Dieu des vies. Je me tiens comme ton prophète. J'ai pris que leurs vies sont libérées dans le nom puissant de Nazareth. Les esprits qui passent par les songes. Retournez dans les lieux arides dans le nom puissant de Jésus. Retournez dans la guéhenne dans le nom puissant de Jésus. Et ce sont les rachetés de Dieu. Et ils sont nés de nouveau en Christ. Le sang de Jésus est leur partage. Ils ne seront pas atteints. Ils ne seront pas touchés. Il est écrit que Jésus-Christ est le bon berger. Il donne sa vie et la vie en abondance. Recevez la vie en abondance. Je prie que vous allez vivre. Vous allez raconter les merveilles de l'Éternel. Je prie que vous serez rassasiés des jours. Comme David dans le nom puissant de Jésus. Je prie que vous allez témoigner. Vous allez dire, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai pas vu le Seigneur me laisser mendier la santé. Mendier le pain. Mendier le travail. Pas seulement que Dieu vous délivre. J'ai dit, recevez l'abondance dans le nom puissant. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour une dernière catégorie. Alléluia. Qui est entré malade? Nande ringa mugonjo. Ola ringa mugonjo nanyo mkono kwa 10. Wote ola ringa mugonjo nanyo mkono kwa 10. Tu lèves ta main droite. Unanyanyua mkono kwa 10. Ta main gauche va sur les lieux de la maladie. Na mkono kwa kushoto inagusa pa face pana kwa magonjo. Si ta maladie est dans le ventre, tu touches. Kama magonjo kiko ni kutumbo gusa tumbo. Si ta maladie est dans les pieds, tu touches les pieds. Kama magonjo kiko ni kumikulu gusa mikulu. Ta maladie est sur la tête, tu as mal. Kama magonjo kiko ni kukichwa, tu as mal aux yeux, tu touches. Gusa kichwa kama uko na maumivu kukichwa macho. De la maladie. Ya magonjo. On a les yeux fermés, je prie pour vous. Tuna fini kama macho yetu natao. Seigneur, il est écrit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Et nous sommes sauvés. Na tunapata wokovu. Seigneur, je me tiens comme opposant. Bwana nasimama kama mpingamizi. À la maladie qui se trouve dans cette salle. Kumagonjwa inakuwa ndani ya chumba hii. Seigneur, j'ai fait retour à l'expéditeur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne dis pas qu'ils seront guéris après les cultes. Père, je déclare à partir de maintenant. Seigneur, je déclare à partir de maintenant. Seigneur, je déclare à partir de maintenant. Les muscles sont restaurés. Les cellules sont restaurées. Les sangs sont solidifiés. Les tissus se reconstituent. Seigneur, s'il y avait des cellules cancéreuses, je déclare par la puissance du Saint-Esprit la guérison entre maintenant. Je dis la guérison entre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit l'origine de vos maladies, je prie comme prophète sur l'onction de Papa Désiré. La maladie vous quitte maintenant. La maladie vous quitte maintenant. Ça quitte vos corps. Ça quitte vos maisons. Ça vous quitte dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu ne les fais pas pour nous. Tu les fais pour ta gloire. Ils sont restaurés dans le nom puissant de Jésus. Je dis ils sont restaurés dans le nom puissant de Jésus. Je dis ils sont restaurés dans le nom puissant de Jésus. Je dis ils sont restaurés dans le nom puissant de Jésus. Si tu étais entré avec une douleur, vérifie ta douleur. Ansa kutasama maumivu yako. Si c'était au ventre. Kama ilikuwa ni tumbo. Si ton ventre te fait toujours mal. Ansa kuchunguza kama si tumbo iko na kuuma. Si c'était la tête, vérifie si sa tête. Kama ilikuwa ni kichwa, ansa kuchunguza kama kichwa. Si guéri faute de temps, signale à un protocole. Kama Mungu anakubariki anakutunza, mwambie yako mlinda amani moja. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Reste s'il te plaît. Viens, on va prier pour toi ici. Les autres vous pouvez rentrer. Va chez papa, il va prier pour toi. Balance ta main. PPA. Je les ai promis que moi je n'allais pas prendre une heure. On va continuer demain. Tout est délai à Kesho. Je t'exhorte à être là demain. La kusubutisha ya kuwa pa asubuhi. Non, j'ai vu Dieu visiter son peuple demain. Niliona Mungu kupegua taifa lake kesho. C'est ton amen que j'attends pour avancer. Ni amina yako niko na chonga tu niendelee. J'ai vu Dieu visiter son peuple demain. Niliona Mungu kugusa taifa lake kesho. Demain sera une journée de gloire. Kesho itakuwa ni siku ya utukufu. La jeunesse a son programme. Vijana niko na matengenezo. Dieu aussi a son programme. Lakini Mungu niko na matengenezo yake. Dieu va nous visiter. Mungu atatupegua. Muika refu. Kama ulikuya na buloji huko unatafuta maisha yako sasa. Si tu venais avec la sorcellerie qui cherche ta vie. A tous taisha. Sans que ça puisse rester. Pour qu'elle puisse être conscient. Il y a des gens ici. Qu'on a ouvert pour la face. Où tu vois Léo. La nuit d'aujourd'hui. T'as pas ton amandoto. Tu auras même des songes. Dieu va te révéler des choses. Où est-ce que vous voulez habiter? Sur ta vie. Pas maisha yako. Sur ta famille. Kuchama yako. J'ai vu ça. Niriona hii. Jusqu'à demain dimanche. Na kesho mchuma. Lève ta main droite, dis à Dieu merci. Nanyom kono kwa kumesema na Mungu accent. Merci pour cet après-midi. Accent kwa jioni nzuri. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, nous bénis abondamment. Bwana Mungu amibariki kwa hotele. Je disais que Dieu nous bénisse très abondamment. Nilianza kusema Mungu atubariki kwa hotele. Je serai très rapide, je serai très bref. Takuwa kwa haraka tena mfupi zaidi. Est-ce qu'on peut me changer d'instrumental? Bwana Yesu kutubadilishia kwa ile wimbo. Est-ce qu'on peut me faire wa mujilo yeyo. Atata wa mujilo. Je tiens à dire merci encore une fois à notre Père. Nasema asante tena kwa mzazi. Je l'ai fait rapidement par faute de temps. Naifanya kwa haraka kwa kosa wakati. Asante tena. Le saxophoniste. Le nom de Jérémy vous dit quoi? Jina Jeremia inamionyesha nini? Jérémy Kabulu. Jérémy Kabulu. Jérémy Kabulu Ilunga. Kabulu Ilunga. Est-ce que vous pouvez avancer s'il vous plaît très rapidement? Quand le prophète est en train de vous prophétiser. Amen. J'ai vu un numéro de téléphone dans lequel il y avait 477 475 475 yes. C'est ça. Il y a 55. Avance. Pendant que je vous parle, Benila, c'est une amie avec qui vous travaillez. Benila Ngoy Mbala. Elle est née le 30 novembre. Yes. Elle est née le 30 novembre. Elle est à la tête des BCA Event Surprise. Yes. C'est vous? C'est vous? Prenez votre téléphone. Votre numéro se termine avec 150. Ça se termine avec 150. Donc, si on commence par la fin, 50, 11, 749. Vous dites, je dis qu'on commence de la fin, c'est 50, et puis il y a 11, et puis il y a 749, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de me montrer que vous êtes à la tête d'une organisation de surprise. Mais bizarrement, je suis en train de vous faire une vision où toute l'équipe a fait un accident. Parce que le Seigneur est en train de me montrer une vision dans laquelle j'étais en train de voir un accident se faire. Mais elle se faisait parce que vous étiez en train de se rendre à Kambov. Vous étiez en train de se rendre à Kambov. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, il y a un esprit qui s'est déjà levé dans la famille. Et cet esprit veut vous éliminer parce que Dieu s'est décidé de vous introduire dans une saison de grâce. Et la saison de grâce, j'étais en train de voir dans l'année 2026. Avance, et le Seigneur m'a dit qu'il fallait beaucoup plus prier. Mais par la présence de l'homme de Dieu dans votre groupe, Dieu s'est décidé. Il m'a dit, parce que l'homme de Dieu a joué durant toute l'activité, Dieu s'est décidé de mettre fin à cet esprit de mort. Mais il y a une chose que Dieu vous demande de faire, c'est d'être prudent parce que je suis en train de voir un esprit d'empoisonnement. Parce qu'ils sont en train de dire, si on n'arrive pas à le tuer spirituellement, on viendra charnellement. Mais je suis en train de prier comme prophète de Dieu, que tout complot qui était établi contre vous soit nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie aussi pour toi qui est dans la salle. S'il y a des gens qui cherchent à mettre fin, que le Dieu de ma vie te localise et te protège contre cela. Voli par la André de Lia. Yes, avance, prophète. Malo Wabahata, vous entrez ici. Le Seigneur me dit de vous dire. Je vois un numéro de téléphone qui se termine avec 767. Un numéro de téléphone qui se termine avec 767. Je vois 099. Je vois 701. 767. Cherchez-moi ce numéro s'il vous plaît. Oui, le Seigneur me dit de vous dire. Il faudra, avant que l'action ne se termine, vous devez aller chez le Père, qu'il puisse prier pour vous. Mais vous devez faire une action de grâce pour vos surprises. Parce que Dieu est en train de me dire, il sera en train de faire de votre agence de surprise une grande agence au Katanga. C'est la raison pour laquelle on cherche à mettre un terme à votre vie. Mais lorsque vous ferez cette action de grâce, le Seigneur me dit qu'il va changer totalement votre vie. Dieu m'a dit de vous dire, à cause du chant que vous de lancement que vous êtes en train de jouer. Dieu sera en train de vous élever dans votre famille. Parce que j'ai vu votre famille être beaucoup combattue. Mais le Seigneur me dit, par vous, il commence de nouvelles choses. Et Dieu me dit, vous allez compter pratiquement 7 mois. Après 7 mois, j'ai vu une gloire tangible de Dieu se faire dans votre vie. Malova Abra Ada Ashkaparia. J'ai donné un numéro de téléphone. On l'a trouvé. C'est le vôtre. C'est le vôtre. Vous allez bien? J'arrive. La route Chitourou vous dit quoi? Chitourou. C'est ça? Faisons. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Le monde de ténèbres s'était décidé à déstabiliser toutes les affaires que vous êtes en train de faire. Parce que quand je parle de Chitourou, le Seigneur est en train de me dire que c'est lié d'abord aux choses de pressing. C'est ça. Parce que quand je parle de choses de pressing, je suis précisément au numéro 33. Non loin du centre de santé Mont Doré. Dalia Adosh Kafali. Oui, Dieu m'a dit, je crois, lorsque nous étions dans la voiture, je vous ai détaillé le logo de votre pharmacie. Le Seigneur est en train de me dire, pourquoi il est en train de me parler d'Audi Pharma et de Pressing? Parce que Pressing, le logo de Pressing, c'est un polo rouge. Il y a un peu de l'espace et puis il y a... Bon, je parle très rapidement. Malagla Develia. Je vois aussi un numéro qui se termine avec 765. C'est quel numéro? Le numéro. C'est elle qui travaille. Elle travaille. Posant. Vous, c'est 767. Je parle aussi d'un numéro qui a 765. Parce que je vois 10, je vois 83 et je vois 765. Et le Seigneur est en train de me dire, vous devez faire une prière, vous devez apporter de l'eau afin que le Père puisse prier pour de l'eau et que vous puissiez asperger cette eau dans vos immeubles, dans toutes les pharmacies ainsi que partout où vous travaillez. Parce que j'ai vu un esprit qui s'est levé afin de détruire ces choses. Le mois de novembre vous dit quoi? Le mois de votre anniversaire. Demain, c'est le 20e. Le 9. Le 11. C'est ça, c'est le 11. Pendant que vous êtes en train de sourire, papa, Marie, c'est qui? C'est votre femme. Parce que pendant que vous êtes en train de sourire, j'ai vu le nom de Marise sortir de votre bouche. Et Dieu me dit qu'il est en train de changer totalement la vie de Marise. Parce que j'étais en train de voir un vent de grâce. Le Seigneur me dit, le mois de novembre, c'est un mois de bénédiction pour la personne de Marise. Et Kli Entalama, maman, Dieu me dit de vous dire, le mois de novembre sera un mois de bénédiction. Après ce mois, vous vivrez un chiffre très tangible de Dieu. Mais l'ouvela a stampé. Belda Hassimbrega Atala Asopelia. Malabradashia. Pour finir, j'ai pas assez de temps. Je vous donnerai certains messages à la fin. Pendant que j'étais en train de voir ce numéro de téléphone, Dieu m'a dit la même grâce que le prophète, le général est en train de prophétiser sur une dame ici. J'étais en train de voir la grâce liée au mariage tomber sur ce numéro de téléphone. Et le Seigneur m'a dit que dans votre famille, Dieu sera en train maintenant de bâtir un hôtel de mariage. Parce que le mariage a été beaucoup plus combattu. Et Dieu se décide maintenant, à dater de maintenant, d'ouvrir cette grâce. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mon frère, je finis avec vous. Le Seigneur me dit de vous dire, après ce programme, l'onction prophétique va agir au-dedans de vous. Mais pendant que je suis en train de vous parler, j'ai vu votre nom. Bizarrement, le prophète a cité votre nom. Mais comme preuve, avant même que je ne puisse venir, j'ai écrit votre nom dans mon téléphone. Si vous regardez, vous trouverez votre nom. Dieu m'avait dit, il y a un hôtel qui avait été bâti. Mais cet hôtel avait été bâti à qui? C'est Kiloula. Attendez. Kiloula, c'est ça? Parce que j'étais en train de voir un avenue qu'on appelle Kabongo Michel. Kabongo Michel. Et Kassongo Michel plutôt. Pendant que je parle de Kassongo Michel. Parce que cela est lié aux études. J'ai vu le Seigneur me dire qu'il y a un esprit qu'on avait établi là-bas, qui est en train de vouloir détruire votre vie. Mais à dater de maintenant, le Seigneur se décide de détruire cela. Et vous allez voir la main de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux bien acclamer le seigneur des seigneurs? Je bénis Dieu pour ce qu'il vient de faire dans cette salle. En tout cas, que l'Esprit de Dieu fasse ce qu'il doit faire pour nous. Je bénis Dieu aussi pour les combats qui viennent de tomber. Je bénis Dieu pour ce qu'il vient de faire. Alors nous allons préparer une bonne offrande pour le Seigneur. Et pendant que la chorale nous donne un cantique, nous allons passer, nous allons offrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu soit béni, soit loué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, demain, c'est dimanche, nous avons notre culte des bonnes nouvelles. Alors, à partir de 8h juste, tous les choristes, les techniciens, ceux qui torchonnent, les protocoles, les intercesseurs, les évangélistes, les modérateurs qui ont travaillé toute la semaine, tous les serviteurs, nous sommes là à partir de 8h juste, nous commençons notre intercession. Après juste la prière d'intercession, les cultes commencent à partir de 8h30. Alors nous vous demandons d'inviter encore plus de personnes, plus de gens de la famille. Excusez-moi de le dire, tushache batoto kuchunga bambata kunyumba, kuchunga bankuku, tubalete kunyumba mungu, parce que c'est très important. Alors prenons toutes les dispositions, venons en famille parce que demain vraiment Dieu va nous visiter fortement et je le crois. Vraiment fermement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour clôturer, je vais devoir inviter notre papa. Et pendant qu'il s'avance, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est un culte de bonnes nouvelles. Mais je sens dans mon cœur que nous donnions assez de temps à tous les orateurs. On va changer de disposition. J'aimerais que tous les orateurs, vous puissiez les aligner ici. Tous. Ils seront avec moi ici. Et je sens que Dieu va faire quelque chose demain. Et pour toute l'église. Et après, je prierai aussi pour eux. Donc soyons là demain à partir de 8h30. Il ne faut pas arriver en retard. Et ce n'est pas bien de tourner le dos à la parole de Dieu. Quand on donne la parole de Dieu, il faut toujours éviter un moment donné de tourner le dos contre la parole de Dieu et de sortir. C'est un mystère et c'est très important. On n'a pas le temps d'en parler. C'est bon, il faut venir à temps. Attendre la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu va nous dire. Quand on dit Amen, à ce moment-là, on peut sortir. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on appelle ça carrefour de jeunes. Alors, tous les jeunes, même ceux qui sont absents la semaine qui vient demain. Et non, nous serons là aussi, si nous sommes jeunes aussi. Nous serons là aussi pour suivre le travail que Dieu va faire. Je remercie le Seigneur pour tous les hommes de Dieu. Ils font un travail excellent. Excellent. Et d'un niveau très élevé. Je pense que ce sont des grâces que Dieu donne à l'église. Et ce sont des partenaires, des serviteurs. Je pense que Dieu nous fera grâce par rapport à certaines choses qu'il met à notre cœur pour certains hommes de Dieu. Alors je t'encourage toi aussi. Prends ta vie au sérieux. Prends le Seigneur au sérieux. Il n'a pas changé. On nous a dit hier dans l'Hébreu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est très important de comprendre ces choses. Nous nous tenons debout. Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Merci pour tes faveurs. Tu nous as bénis par ta parole. Tu nous as bénis par la présence des anges. Tu nous as bénis par la présence de tes serviteurs. Laisse que cette grâce nous accompagne dans notre vie. Aujourd'hui, demain et après. Léo Kesho Atakesho Kutso. Nous puissions témoigner de la journée d'aujourd'hui. Nous puissions témoigner de la semaine. Nous puissions témoigner du passage de tes serviteurs. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.